Il est très facile de se sentir impuissant face aux nombreuses situations auxquelles l'on fait face aujourd'hui. Mais il faut continuer à lutter et surtout lutter pour les autres.